Alors, pour introduire Daniel, comme il se doit, on a souvent entendu toutes sortes de noms pour nommer Daniel Kemp. Alors, j'en ai quelques-uns ici. Parmi les plus communs, c'est Daniel, ou bien Monsieur Kemp, ou bien Kemp, ou encore le conférencier du centre. Encore le professeur qui sait tout, puis qui comprend bien du temps à tout comprendre. Et puis, enfin, il y a aussi celui qu'on pointe du doigt à un moment donné, puis qu'on essaie de repérer dans la foule, là, puis qu'on dit, tu sais, celui-là, là, tiens, lui, là, il a le toupet un peu clairsemé. Alors ça, c'est Daniel Kemp. Eh bien, pour aller un peu plus rapidement là à la conférence. Disons que Daniel Kemp, dans la manière dont il va aborder ce sujet de ce soir, on peut dire que c'est un des seuls, un parmi les seuls, à pouvoir le percevoir d'une façon vraiment, je dirais même complètement globale. Alors, c'est très intéressant de pouvoir accueillir un conférencier de cette classe. Accueillons Daniel. Mais oui, je constate qu'ils n'ont pas changé la chaise encore. Mais non, il passe. Tu semblais qu'il y avait quelque chose de différent. Tu sais qu'après 200-300 ans ou 800-900 ans, c'est normal d'avoir le coup de pète clair. Mais tu pourrais avoir. C'est peut-être qu'on t'a mis la chaise là parce que tu deviens un peu plus androgyne. Que j'ai la chaise de la femme, non, je pense que pas. T'androgynes pas. Oui, pour ceux qui ne savent pas, c'est parce que ces fauteuils sont des authentiques. Et il se trouve que depuis 2 semaines, on me donne la chaise De la de femme. la femme. La Elle a chaise. les bras beaucoup plus petits, comme ça la femme ne peut pas s'appuyer. Alors toujours le dos est un peu écrasé devant le mari. C'est des chaises qui datent de cette époque, tandis que la chaise du mâle, elle est beaucoup plus bien faite. Et on s'est dit peut-être que l'homme n'était pas si sexiste, peut-être parce que les femmes à l'époque avaient des grandes robes qui devaient sortir. C'est pour ça que les dossiers sont bas. Bon, enfin. Supposément moins confortable Ouais, aussi. mais elle entraîne, vous allez voir. Alors, pour plonger Plonge. dans le Oui. sujet, comment fait-on un nom? Parce que on dit Daniel, on dit Daniel, on dit Bon. ça vient de où? Comment? Il y a une chose intéressante au niveau d'une conférence, pourquoi avoir un nom, c'est qu'à la fin de la conférence, on va poser la question, est-ce qu'on doit changer de nom ou non? On n'en parle pas. Ben, c'est que si je dis non, la conférence paraît stupide. Pourquoi faire une conférence sur les noms si en fin de compte, tout est correct? Et si je dis oui, ça crée un paquet de problèmes pour bien des gens. Comment se construit un nom? Pourquoi on a un nom? C'est sûr qu'on a un nom mathématiquement juste pour pouvoir au moins se repérer à travers une foule. Cela induit déjà le fait que si on a un nom pour pouvoir se reconnaître à travers une foule, c'est que déjà l'humain est soumis à des conditions collectives. Est-ce que on a besoin d'un nom pour communiquer entre deux individus? Non. Par contre, on peut avoir besoin d'un nom pour communiquer avec plusieurs individus. Maintenant, le nom lui-même n'a pas été, l'homme n'a pas inventé un nom, l'homme n'a pas inventé non plus la langue ou le langage. À un moment donné, l'homme a commencé à exprimer par des sons gutturaux ce qu'il vivait au niveau émotif, donc au niveau des plans psychologiques ou des plans astraux. Lentement, l'homme a réussi à exprimer un peu plus ce qu'il percevait de lui-même. Et c'est ce qu'on a appelé l'émotion. On parle aussi souvent de caractère animal. Parce que l'humanité, quand je parle de l'homme, je parle évidemment de la femme et de l'enfant. Lorsque l'homme a évolué un peu plus, donc au cours de quelques millions d'années, parce que dans le début d'une évolution, tout commence lentement. Et plus cela va vite. Et aujourd'hui, bien, on court. Lorsque l'être humain, lorsque l'homme commence à exprimer de plus en plus ce qu'il ressent, il finit par avoir la faculté de ressentir des choses extérieures. Donc, il finit par trouver le feu épeurant. Il finit par avoir peur d'un smilodon, disons d'une espèce de tigre de la préhistoire. Il finit par avoir des goûts par rapport aux femelles. Il finit par avoir des goûts par rapport aux armes. Il finit par être capable de reconnaître la valeur d'un chasseur ou d'un guerrier. Remarque qu'à cette époque, chasseurs ou guerriers, c'est pareil, parce que de toute façon, on mange de la viande humaine, alors il n'y a pas de guerre. Toujours de la chasse. Lorsque l'humain, lorsque l'homme évolue de plus en plus, il finit par être capable, dans sa sensibilité qui va croissante, il finit par être capable de reconnaître des conditions extérieures et il les différencie des conditions intérieures. Maintenant, il doit quand même exprimer ces choses parce que s'il ne les exprime pas, il ne sait pas qu'il les vit. Celui qui n'exprime pas de l'amour ne sait pas qu'il vit l'amour. Celui qui n'exprime pas la peur ne sait pas qu'il vit la peur. Celui qui n'exprime pas une émotion ne sait pas qu'il la vit. Et ça c'est encore comme ça aujourd'hui. Alors une personne va dire, ben non, je dis pas que j'ai peur, non. Mais endocrinalement parlant, tu te sens comment? Ton cœur, est-ce qu'il accélère? Est-ce que tu sens ton système digestif commencer à accélérer ou à ralentir? Est-ce que tu as envie de faire dans tes culottes? Est-ce que tu transpires? Est-ce que tu commences à avoir froid? Tu exprimes. Mais celui qui n'exprime pas ne sait pas qu'il vit. On peut même aller jusqu'à dire que celui qui n'exprime pas peut-être ne vit pas l'émotion. Parce qu'effectivement, dans l'humain qui évolue à l'échelle de la planète, tout le phénomène émotif qui va porter, disons, un nom plus complet et plus correct de phénomène astro, donc l'astral de l'homme, l'astral, c'est sa mémoire, ses émotions et ses désirs. Et la psychologie, c'est la relation entre ces trois choses constituant l'astral de l'homme, constituant l'âme de l'homme. Au-delà de l'âme, il y a l'intellect qui est le mental naissant. En deçà de l'âme, il y a le corps vital qui est l'énergie intra-atomique permettant la cristallisation d'un corps physique. Lorsque l'homme, donc, commence à percevoir ces choses, il exprime. Il doit exprimer parce que s'il n'exprime pas, il ne sait pas. Les corps physiques de nos ancêtres étant des corps physiques extrêmement massifs, ils n'ont pas de système endocrinien comme les nôtres, ils n'ont pas de système nerveux aussi raffiné que les nôtres, donc ils ne peuvent pas exprimer à l'interne leurs émotions, ils doivent donc toujours les exprimer à l'externe. Alors l'homme des cavernes, s'il a faim, il va baver. Il ne pourra pas jouir à l'intérieur, il devra jouir à l'extérieur. S'il a le goût de, disons, faire l'amour, faut s'entendre, à l'époque, c'était beaucoup plus... Enfin, ça revenait un peu à la chasse. Alors, c'était exprimé à l'extérieur. Oui, parce qu'il y avait toujours quelque chose qui se sauvait, quelque chose qui courait. C'est pas? Ah, donc, on revient encore au phénomène de la chasse. Lorsque les femmes ont commencé à se défendre, la première a été Diane, et puis elle a commencé à courir après les hommes, et on l'a appelée Diane chasseresse. Ouais, c'était une déesse, à un moment donné, au niveau des Romains et des Grecs. Alors donc, lorsque l'homme exprime à l'extérieur, il finit par raffiner son expression. Raffinant son expression, il raffine. Pour par un principe vital, il va développer lentement son centre laryngé et son centre cérébral, et il va commencer à avoir une forme de langage. Ce langage a une seule fonction, exprimer ce que l'humain vit. L'exprimant à l'humain arrive à le mémoriser drôlement mieux, parce qu'il est capable maintenant de mémoriser un mot. Le mot étant un transport énergétique d'un phénomène que lui a vécu ou d'une chose qu'il perçoit, donc qu'il expérimente. Si on parle de cheval, vous savez que le langage, la langue, le mot, le nom, a la même valeur, mais drôlement plus, disons, drôlement supérieure, il a la même valeur que l'argent. Au lieu de trimballer dans mes poches mon piano, mon auto, de trimballer, je fais des meubles, alors au lieu de trimballer tous les meubles dans mes poches, je trimballe simplement de l'argent, et lorsque je vais acheter, j'achète par exemple une auto, je donne de l'argent, lui avec l'argent va acheter des meubles, ce sera peut-être les meubles que je construis. Mais c'est plus intelligent et plus efficace que de te voir trimballer mes meubles avec moi, y donner des meubles, prendre une auto. Lui, s'il vient acheter un pain, il doit amener un pneu. Alors, à un moment donné, on amène de l'argent. L'argent permet quoi? L'argent, c'est simplement un véhicule, un transporteur de pouvoir d'achat, donc c'est un transporteur de potentiel de possession sans matière, donc c'est un transporteur de possibilité d'acquérir des choses. Le mot, la langue, c'est la même chose. Si je dis cheval, vous savez tous ce que c'est, j'ai pas besoin d'amener un cheval. J'ai pas besoin d'amener, on va dire, oui, tu peux amener une photo, oui, mais retournons dans le passé, les photos étaient mémorielles, t'es pas matériel. Alors si je dis, il y a par exemple la guerre, j'ai pas besoin de sauter sur un paquet de gens pour expliquer ce que je veux dire. Le mot, donc, devenait un transport, une forme, qui permettait à l'humain de transporter quelque chose qui lui permettait de pouvoir instruire les autres de ce qu'il avait chez lui. Je te laisse aller, je bois. Mazda GLC a déplacé, immatriculé BFA 795. Elle est sans doute devant une porte de garage ou quelque chose. Parce que les portes de garage cachent toujours des automobilistes qui veulent sortir. Ou qui veulent rentrer, Marc. Alors donc, si on poursuit l'idée, et ça c'est extrêmement important de comprendre la mécanicité, ça paraît, souvent on vient aux conférences pour la première ou deuxième fois et on trouve un peu le vocabulaire compliqué, ou on trouve un peu, bon, je parle rapidement. Sachez une chose, c'est que je parle vite premièrement, parce qu'on a juste une heure de conférence plus une heure de questions. D'ailleurs, ceux qui viennent régulièrement savent qu'une heure de questions, c'est pas suffisant. La semaine dernière, on est resté pris avec, je crois, 50 questions qu'on n'a pas répondues. Évidemment, j'aurais pu parler plus vite, mais là, on n'aurait pas rien compris. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que parlant rapidement aussi, on peut travailler plus énergétiquement, et c'est préférable. Ça assujettit moins les gens à moi. Alors, donc, si on prend l'idée du mot, aussi compliqué que puisse paraître l'exemple, c'est le phénomène de l'argent, c'est la même chose. Tu as 100$, tu as pour quelque chose qui vaut 100$. Le mot, c'est la même chose. Mais le mot a un avantage sur l'argent, évidemment, c'est que on peut facilement acquérir un langage, et le langage a une puissance extraordinaire. On parle du verbe, ça peut transformer la matière, et c'est un fait. On peut donc acquérir un langage plus facilement qu'acquérir des possessions matérielles, et on peut surtout prendre ce langage pour arriver à un moment donné à exprimer ou à définir ou à transporter non plus des concepts matériels, verre d'eau, eau, pas, air, crayon, table, mais on peut arriver par, avec ce genre de forme, ce véhicule, pouvoir amener des concepts comme infini, Dieu, amour, gaieté, bonheur, enfer, malheur, peur, des choses qui, en fin de compte, ne sont pas ni quantifiables, ni qualifiables. Ils ne sont, disons, mesurables qu'à partir de l'humain qui les vit. Mais comment on fait pour les nommer? C'est ça. C'est absolument effarant si on veut se placer dans un contexte, disons, de la science conventionnelle. C'est sûr qu'on se place dans un contexte cosmique, on comprend le phénomène. Mais disons, si je me place dans la peau d'un savant, je peux trouver absolument effarant le fait que l'homme soit capable d'inventer un mot comme Dieu et que ce mot puisse contenir quelque chose. C'est effarant que l'homme puisse parler de la paix. C'est effarant que l'homme puisse parler de la liberté. Ce que c'est que la liberté? T'es où? T'es pesé où? T'as vu ça où? Ben, le savant peut pas. Cosmiquement, ça devient évident, ces choses-là, parce que ce sont des débuts de compréhension des mécanismes légaux, disons, de lois, qui constituent l'écosystème ou l'écologie de notre planète. On peut parler des phénomènes karmiques, on peut parler des phénomènes de gestion des évolutions des humanités. Enfin, il y a un paquet de choses, disons, intéressantes sur lesquelles on peut revenir. Mais le langage a la faculté, donc, de pouvoir servir de véhicule énergétique. Il faut le comprendre comme ça, parce que c'est ça. Qu'est-ce que c'est l'argent? C'est de l'argent. L'argent, c'est de l'énergie. De l'énergie. Alors, avec de l'argent, on peut faire des choses. Donc, c'est de l'énergie. L'énergie a la faculté de transformer, d'adapter, de détruire, de construire, de naître, de générer, de créer. C'est de l'énergie. La langue, la parole, le nom, c'est la même chose. Sauf qu'on aura des billets de 5$, on aura des yens, on aura des francs, on aura des cerstes, on aura une plus. Bon, des soles. Oui, des soles, effectivement. Des inneries, on aura des dollars, on aura une panoplie de formes d'argent qui vont ressembler aussi à une panoplie de langues. Hein? On a les langues, on a le français, on a l'anglais, on a l'espagnol, on a le portugais, etc. Lorsque l'être humain a la faculté d'observer une forme matérielle, il doit l'exprimer. Et pour l'exprimer, il se doit de transformer la perception énergétique de cette forme dans une vibration orale, vocale, audible, qu'il pourra exprimer selon le développement de son centre laryngé. Alors, ça demande évidemment un travail incommensurable pour l'humain. C'est sûr qu'aujourd'hui, vous apprenez le langage avant 3 ans et par la suite, vous vous rendez plus compte de ce que c'est. Mais il y a une expérience qu'on fait, par exemple, dans le séminaire PMC. Tu prends le verre ici et tu me baptises le verre d'un autre mot. Alors, l'humain est là, gaga. Ouais, très plaisant. Bon, baptise ça ici, gogo. Génial, on aurait une maudite belle langue, hein? Continue. Baptise ça ici, gugu. Ah ouais, gugu, gaga, gogo, giga, bouddha. On parlait comme ça à un moment donné. Alors, moi, je vais lui dire non. Tu connais la langue française? Alors, invente un mot en français désignant cette chose. Alors, dis-moi pas, vaso, n'importe qui va te dire que ce n'est pas français. Pourquoi? Parce que justement, la vibration que tu viens de donner, c'est de l'argent d'une autre forme. Ce n'est pas une vibration française. Ce n'est donc pas une structure qui a créé la langue française ou qui s'est adaptée à cette langue parce qu'il l'a appris, qui maintenant définit la vibration. L'humain d'aujourd'hui n'a tellement plus d'intuition vital qu'il ne peut plus transformer une vision en mots. Assez qu'à un moment donné, lorsqu'on veut nommer quelqu'un, on va fouiller dans le passé à place, puis on va redonner une forme dessus, parce qu'on n'a plus l'intuition nécessaire pour pouvoir transformer une perception vibratoire, perception visuelle, tactile, gustative ou auditive, en mots. Mais ça devient extrêmement dangereux. Mais la meilleure façon de nommer quelque chose, est-ce que c'est la perception énergétique une personne qui a cette perception, qui peut bien nommer, ou une personne qui est colorée, évidemment, va essayer de nommer, mais il va pas nécessairement bien nommer. Il peut pas bien nommer, c'est coloré. Il peut se forcer, il peut s'amuser, mais il va être quand même manipulé. Mais amener jusqu'à maintenant, on peut dire que l'homme a été coloré. Non, dans l'Antiquité, l'homme n'était pas coloré. Pourquoi? Parce qu'on est coloré par quoi? Par notre pensée, par nos mémoires. Et ces mémoires, chez l'homme d'aujourd'hui, sont presque toutes des mémoires de mots. L'être humain n'a presque pas de mémoire de forme. Il a des mémoires de mots et des mémoires de concepts. Alors, il va dire « j'aime ce verre ». Dans l'Antiquité, lui ne pouvait pas penser « j'aime ce verre » parce que le mot « aime » n'existait pas. Donc, la formule énergétique pouvant transporter cette chose, ce concept au niveau de ses mémoires n'existait pas. Il ne pouvait que constater le verre. Alors, il ne souffrait pas. Si tu brises le verre, gaga, ben c'est fini là. Bon. Aujourd'hui, si on brise un verre, alors tout ce qu'on pourrait mettre dessus, le beau, le prix, le cristal, la rareté, la forme, le plaisir, on met tellement de choses sur le verre que brise pas le verre, parce que là, l'humain va commencer à peut exprimer des choses, donc il pourra vivre des situations émotives et il pourra vivre des détresses émotives. Alors, la personne, donc, si on revient un peu dans la création des langues, intuitivement, c'est-à-dire que l'être humain avait la possibilité de capter l'énergie vitale, donc l'onde de forme, l'énergie endoformique d'un objet, et le captant, il pouvait y goûter. Ce goût, il l'expérimentait, l'expérimentant, il pouvait le parler. Et c'est là qu'il inventait le mot. Pourquoi avons-nous une langue française, par exemple, qui, on va dire, il y a des règles dans la langue française, comme dans les autres langues. Mais les règles sont apparues par constatation. On n'a pas inventé les règles sur lesquelles on a bâti la langue. On a parlé. Puis à un moment donné, il y a des bonhommes qui ont dit, là, on va structurer la langue. Pourquoi? Pas parce que, par exemple, c'est la langue latine dans le début, ensuite concerne la langue française. Pas parce que le monde parlait de plus en plus mal. Parce que le monde était de plus en plus coloré par d'autres langues. Quand est-ce qu'on commence à parler mal? Quand on est coloré par d'autres langues. Un troc québécois pour inventer ça. Il l'a pris du contexte anglais. Bon, attends-moi, sous le corner, je m'en viens back. C'est du contexte anglais. Ça, c'est pas inventé par l'humain, pas par le Québécois. Alors donc, lorsque les langues sont inventées, elles sont inventées dans des lois qui sont inconnues de l'homme, qui ne sont pas régies par l'homme, mais qui effectivement font en sorte qu'on aura toujours des syllabes, qu'on aura des consonances, des sons, qu'on aura des argumentations sonores, qu'on aura une forme de construction de la phrase, une phraséologie particulière, qui va faire en sorte que ça, c'est typiquement français, que ça, c'est typiquement espagnol, que ça, c'est typiquement allemand, russe, chinois, bantou, anglais, etc. Cela veut dire que, premièrement, selon la constitution neuronique des humains, selon leur constitution biologique, physique, donc génétique, selon leur constitution énergétique au niveau du plan vital, donc tellurique, yannique ou solaire, yannique, selon toute leur constitution, selon leur alimentation, selon le sol sur lequel ils vont vivre, alors ils auront une expression orale différente d'une chose similaire. On crée donc les langues. Lorsque l'homme commence à nommer, la nomie, c'est la première science qui est vécue par l'humain. L'humain ne peut pas poser la question « pourquoi y a-t-il de l'eau là-dedans? » Parce que l'humain, si l'humain peut poser le pourquoi, il va dire « pourquoi? » Bon, alors faut qu'il commence par nommer ça, qu'il nomme la chose qui est dedans, donc il va nommer le verre, il va nommer l'eau. Faudra par la suite qu'il nomme la situation dedans, dehors. Faudra qu'il nomme différentes choses de ce genre pour pouvoir arriver à un moment donné à commencer à réfléchir les choses. Donc, la nomie est la première chose que l'homme va faire, il nomme les choses. Par la suite, il y aura la logie, où il pourra étudier la relation entre les choses nommées. Hein, on connaît la physionomie. Estomac, cœur, on connaît la physiologie, qu'est-ce que l'estomac fait par rapport au cœur, on connaît l'astronomie, Mercure, Vénus, Bételgeuse, on connaît l'astrologie, qui essaie d'étudier l'effet des astres sur la planète Terre et sur l'homme. Alors donc, l'homme va donc avoir une science qui va être relativement prolifique, mais qui va y aller, premièrement, à partir de l'anomie. Lorsqu'on a commencé à nommer les humains, c'était autre chose, parce que pendant longtemps, les hommes nommaient les objets, nommaient les trucs à aller chasser, mais ils ne se nommaient pas eux. Lorsqu'ils ont commencé à se nommer eux, c'est lorsqu'ils ont commencé à avoir une personnalité vitale, donc à avoir une individualité. Parce que pendant longtemps, l'homme parle de son clan, de sa race, mais on est une gang, il n'y aura pas de nom au niveau de l'individu. Il n'y aura pas de nom, même pas de nom d'animal? Les animaux, oui, parce que l'animal devient, l'animal individuel, non, mais l'animal collectif, oui. Par exemple, disons chevreuil, il l'aura. Il aura peut-être aussi humain, mais il n'aura pas Daniel, il n'aura pas Monique, il n'aura pas Gabriel, il n'aura pas ce genre de nom. Lorsque l'être humain arrive à pouvoir regarder quelqu'un et à pouvoir percevoir une vibration qu'il pourra transmettre par l'oral et là, la toucher. Lorsque l'homme va commencer à nommer les autres, donc à baptiser. Mais on parle pas du baptême pour l'instant. Le baptême, ça veut simplement dire donner un nom à un humain, mais disons que comme tel, le baptême veut dire immersion totale, c'est-à-dire relatif à un acte religieux. Mais lorsque l'homme commence à nommer, à donner un nom aux individus, il faut comprendre que l'homme n'a pas nommé les individus dans le début. Mais les individus se nommaient eux. Et on les appelait par la suite par leur nom. Et là, on disait, c'est son nom. Alors, lui pouvait s'appeler Nuage du printemps qui se lève lorsque la rosée est fraîche, si ça lui plaisait. Mais c'était son nom. Lorsqu'il arrivait devant des individus, il se présentait. À l'époque, dans le début, il y a eu un problème parce qu'on changeait de nom comme on changeait de nom. Pas comme on changeait de chose, on savait pas souvent. Mais disons qu'il y avait eu un changement de nom régulièrement, comme à chaque jour. Selon le feeling. Tu te lèves et tu as un état particulier et tu te baptises un nom. C'est pas tellement pratique dans les sociétés comme aujourd'hui, mais c'est ce qui s'est fait pendant longtemps. Mais il semble que ce soit très important, parce que ce que tu viens de dire, si les gens se nommaient, c'est parce qu'il y avait quelque chose. Ils s'identifiaient à eux et ils s'individualisaient par rapport au clan, à la tribu, au peuple. Mais par la suite, ce qu'on a trouvé, c'est qu'on s'est rendu compte que c'était, tu sais, moi je me suis baptisé, puis c'est plaisant, puis à un moment donné, quand j'ai un enfant, il faut aussi un nom. Et c'est là que les parents ont commencé à décider le nom pour les enfants. Certaines peuplades ont été suffisamment en contact avec, disons, l'instinct vibratoire ou encore de l'intelligence instinctive pour nommer. Et vers l'âge de l'initiation, donc dépendant des peuplades, ça peut être 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, 11 ans, 12 ans, vers dans l'adolescence, les enfants devaient passer certaines formes d'initiation et ils étaient renommés. Certaines peuplades laissaient aux enfants là se choisir un nom, d'autres leur en donnaient un autre, selon ce qu'ils avaient vu faire. Chez nos Amérindiens, on était baptisé quand on venait au monde. On était baptisé lorsqu'on devenait un Indien, parce que tu ne venais pas au monde indien. Indien voulant dire homme. L'enfant ne venait pas au monde homme. Il devait devenir un humain. Vers l'adolescence, il devenait un humain, possiblement, et là, on lui donnait un nom. S'il devenait chasseur, on lui donnait un autre nom. S'il devenait guerrier, dépendant des clans, on lui donnait un autre nom. S'il devenait sage, on lui donnait un autre nom. S'il devenait sorcier, il avait un autre nom. S'il devenait chef, il avait un autre nom. Pour la simple raison que le nom antérieur avait une vibration qui, pour eux, intuitivement, leur semblait nuisible. Et c'est un fait. D'ailleurs, je disais à la radio hier que justement, même les papes, quand un pape devient pape, ben son nom aux poubelles, hein, il prend un autre nom. Pourquoi? Parce que le nom qu'il avait a une correspondance énergétique et grégorienne qui n'est pas assez puissante pour supporter l'autorité que maintenant l'humain vient d'avoir. Alors il doit porter un nom qui va être capable de supporter le gars ou la fille. Lorsque les parents ont commencé à donner des noms, ils ont commencé à cristalliser le passé à l'intérieur des neufs, des jeunes. Parce que souvent, on prenait le nom de quelqu'un qu'on connaissait, qu'on oui. aimait bien, etc. C'est ça le problème de l'humain. Vous savez que l'homme s'attache à ses mémoires. Ce qu'il a connu, il en souffre s'il le perd. Même si c'est quelque chose qu'il dramatisait, il aura toujours une nostalgie à un moment donné par rapport à ces choses-là. Un mauvais événement, quand on en parle 10 ans après, tu sais, c'était quand même pas... On en rit aujourd'hui, mais c'est ça. Tu as transformé, t'as embroyé à l'époque, t'en arrives aujourd'hui. C'est le même événement. L'humain s'attache à son passé. Lorsqu'à un moment donné, tu as quelqu'un, un sorcier, un chef, qui dirige le clan, la tribu. Celui-ci meurt. Qu'est-ce que tous les humains de la tribu veulent faire? Ben, ils ne veulent pas qu'il meure. On ne veut pas qu'il meure. Alors, on va prier nos dieux et on va dire, faites qu'il vive. Le dieu pourrait dire, sac. Le gars, il est fatigué, il est écœuré, il est épuisé, il est mort, puis vous broyez pour qu'il revienne. Vous voulez qu'ils reviennent pour vous? Ben évidemment, ils nous aidaient, ils nous sauvaient, ils nous protégeaient, ils nous dirigeaient. C'est ça, vous l'haïssez à ce point-là. Alors évidemment, les dieux n'ont pas fait ressusciter tous les chefs. Pas de problème. Les humains s'en sont occupés. Lorsqu'un enfant naissait, eh bien là, le premier qui naissait dans la tribu, les parents avaient hâte que ça naisse pour pouvoir lui donner justement le nom du chef qui est disparu. Le culte des ancêtres commence là. Et évidemment, notre système de prénommage va aussi découler de ce phénomène. À ce moment-là, est-ce que lorsqu'on donne quelqu'un un nom qui est très, très... un bonhomme qui a été très populaire ou très puissant, est-ce qu'il va hériter aussi de... Voilà, c'est intéressant. Est-ce que celui qu'on nommait du nom du chef qui est mort hérite des qualités du chef? Ben, il se trouve que oui. Et c'est pour cela qu'on nomme. Alors, l'enfant qui vient au monde, on se fout royalement de savoir ce qu'il est, on décide ce qu'il doit être et on applique un nom. On va aussi l'éduquer à partir du nom. Moïse. Moïse est un grand bonhomme. Le père unificateur des religions polythéistes en une religion monothéiste. Parce que Moïse est disparu. Le premier enfant de la tribu qui est venu au monde s'est appelé Moïse. Mais quand il grandissait puis qu'il morvait, on lui disait « Hey, Moïse! Fait, respecte ton nom! » Fait, Moïse, il était obligé de vivre en Moïse, c'était Moïse. Alors Moïse est devenu un autre Moïse, un autre grand. Et continuellement, c'est ces choses-là qui arrivent. Sauf que le problème, on va juste expliquer de quelle façon le nom amène des choses. Lorsque l'être humain est, il exprime des conditions. Donc, il vit des émotions, de l'intelligence, des phénomènes corporels, etc. Toutes ces choses-là sont mémorisées dans ce qu'on appelle un égrégore, c'est-à-dire sont mémorisées dans ce qu'on appelle la mémoire du temps, les annales akashiques, le ciel, etc. Le grand livre dans lequel le bon Dieu lit quand vous mourrez, là. Bon, c'est ça. Okay. Ça mémorise. On sait que la lumière peut être mémorisée sur une plaque photographique, on sait que la voix peut être mémorisée sur une bande magnétique, donc on sait que la matière, elle enregistre les choses. Il nous faut le bon appareil pour écouter. Lorsque l'être humain vit, tout cela est enregistré dans l'air et c'est enregistré surtout au niveau de la structure intra-atomique de tout ce qui constitue l'atmosphère de notre planète. C'est le ciel, le monde de la mort. Lorsque l'humain a un nom, il paramètre cette chose et tout ce qu'il fait est placé dans cette enveloppe. L'homme a une âme. Cette âme, elle est constituée d'énergie vitale. Elle porte le nom théologique de Séraphin, disons ésotérique de Périsprit. Et cette âme, c'est une enveloppe dans lequel toute la mémoire de l'humain au cours de sa vie, tout ce qu'il va accumuler, va se placer, dans lequel va naître aussi l'identification, l'ego. C'est la même chose au niveau d'un égrégore qui se trouve à être en connexion assujettissante de l'âme dans le monde de la mort, donc dans cette mémoire planétaire. Et lorsqu'on nomme quelqu'un, lorsque quelqu'un a un nom, tout ce qu'il fait par rapport à ce nom-là, automatiquement va là, et cet égrégore devient cette chose, la personne en bas. Alors, ce qui fait qu'à un moment donné, tu vas avoir un égrégore extrêmement massif qui va manipuler les humains selon la puissance que le gars ou la fille va être capable de placer dans son égrégore. Tu rentres quelque part et tu vas dire à quelqu'un « Je suis un tel ». Oh boy, tout le monde se ferme la boîte, tout le monde regarde. Pourquoi? Parce que l'égrégore de la personne est tellement puissante que si on nomme son nom, automatiquement, tout le monde a le bon. Un ministre va rentrer quelque part, même ceux qui l'haïssent, lorsqu'ils voient « Mais c'est René Lévesque », s'il commence à parler, tout le monde le prononce, même ceux qui l'haïssent l'écoutent. Bon. C'est sûr qu'il y en a qui peuvent se désassujettir de la forme de l'égrégore, mais l'égrégore a une puissance. Jean-Paul II porte le même nom que Jean-Paul I parce qu'il veut poursuivre le travail de Jean-Paul I, donc il porte le même nom. Jean-Paul I a voulu ramasser, disons, l'égrégore des Jean et des Paul, alors automatiquement, il s'est appelé Jean-Paul. Jean-Paul Ier parce qu'il garde une individualité. Jean-Paul II parce qu'il garde quand même une individualité tout en conservant ce que l'autre a commencé. C'est pourquoi les papes souvent vont s'appeler Pie IX, Pie XII. On en a un paquet qui porte le même nom. Parce que justement, c'est une lignée. C'est des papes similaires. Ils vont continuer le même genre de travail. Bon, pas nécessairement au niveau de l'exotérisme, donc pas nécessairement au niveau du visuel, mais ils vont continuer le même travail. Lorsque l'égrégore est constitué, il devient une forme qui, justement, suit la bonhomme ou le bonhomme ou la bonne femme. Lorsque celui-ci meurt, l'égrégore reste. Alors, lorsqu'un autre naît, on lui donne le même nom. Automatiquement, à chaque fois qu'on prononce son nom, l'égrégore se connecte là. C'est la clé. Et cet égrégore est de l'énergie. Maintenant, il faut arriver à s'en servir. Le maudit problème, c'est que lorsque Moïse II est apparu, dans d'autres petits clans, d'autres sont nés. Et chacun pensait être le premier à baptiser Moïse. Alors, il y a eu peut-être 8-9 Moïse. Ces 8-9 Moïse se sont peut-être chicanés un peu la puissance du Moïse antérieur, du Moïse premier. Sauf que chacun a vécu leur vie et la tribu continuant, tribu d'Israël, disons, continuant à grossir, ben évidemment, les Moïse, on en a eu. Sauf que l'égrégore de Moïse, entaché des égrégores des 5 autres Moïse qui n'avaient plus maintenant la même puissance, altère l'égrégore du premier Moïse. Alors lorsqu'on a 300 000 Moïse, ben il n'y en a plus un seul qui a la valeur du premier Moïse. Lorsqu'à un moment donné, on parle de Daniel. Daniel a été un prophète, d'ailleurs le plus grand des prophètes, et l'un de ceux qui a su manipuler l'énergie vitale de façon à au moins contrôler ce qui se passait au niveau des animaux et de la matière. Le deuxième Daniel, les autres Daniels qui ont suivi, ne pouvaient plus avoir, ne pouvaient plus être entachés directement par la consonance vibratoire du nom. Maintenant, pourquoi pensez-vous que continuellement, si on va chez les Juifs, on a des noms comme Abraham, on a des noms comme Moïse, on a des noms comme etc. Si on vient chez les catholiques, alors on aura des noms comme Pierre, comme Paul, comme Jean, nos saints. Hein? Bon. Si on va dans d'autres religions, on aura des noms similaires à ça. On regarde au niveau de l'Inde, on aura toujours des Sri, des Shashi, des Shala. Bon, parce que justement, on veut rattacher les humains à ces choses-là. Bon, on donnera les mêmes formes, on donnera les mêmes choses. Bon. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on essaie toujours de têter l'égrégore d'une personne puissante. Quand on était extrêmement sauvage, on bouffait le cœur puis le foie en espérant recevoir. Mais un peu plus évolué, ben, on essayait de bouffer le nom. Maintenant, les parents orgueilleux voulaient que l'enfant devienne, alors les parents baptisaient et l'enfant devait devenir. Qu'est-ce que vient faire le nom de famille là-dedans? Parce que là, ça fait un autre paire de manches. Premièrement, le nom sert donc à, si je tire l'individu à un égrégore. Vous allez me dire comment ça fait que M. Camille sait ça, personne ne le sait. D'autres le savent, faites-vous-en pas. Votre premier nom, messieurs, est Joseph. Votre premier nom, mesdames, est Marie. Vous êtes tous assujettis à l'égrégore de la religion qui vous a baptisé. Et quelles que soient les religions, ne vous en faites pas, c'est prévu. Alors l'humain qui est baptisé automatiquement est assujetti à ce grand égrégore majeur d'une religion ou d'un concept. Et il y est assujetti comment? Comment? Ben simplement que tout ce qu'il va faire va servir à nourrir son âme, à nourrir son propre égrégore de nom et à nourrir l'égrégore de la religion, du concept ou du ciel dans lequel il a été uni. Le nom est une clé et cette clé, on s'en sert. Mais on s'en sert toujours d'une façon unique, on ne s'en sert pas d'une façon réciproque. C'est-à-dire que jamais, dans l'Antiquité, on le savait, pour bâtir un égrégore, il faut que chaque humain ait un nom relié à l'égrégore. Lorsque l'humain a besoin, l'humain va prier. Lorsque l'humain prie, il émet de l'énergie. Cette énergie s'en va où? S'en va là où la clé a ouvert une porte, donc dans ce ciel égrégorien. En ce qui concerne la religion catholique, ça nourrit le ciel. Ça nourrit Dieu, ça nourrit tout ce contexte, disons, au niveau du ciel. Les cieux, c'est autre chose. On pourrait y revenir, mais pour l'instant, on parle du ciel, donc du contexte mémoriel, le monde de la mort dans lequel l'homme est, disons, duquel l'homme provient au niveau de l'âme et dans lequel l'homme est assujetti. Sauf que 10 millions d'humains priant pour recevoir fait que le ciel s'épuise et disparaît. Ça tue les dieux lorsque trop d'hommes demandent. Alors les hommes doivent donc remercier surtout. Puis demander, disons pas trop, mais remercier au coton. Demande une fois, remercie 20 fois. C'est normal. Prends-en un peu, donne-en 20. Bon. Alors les humains devaient donc prier, sauf pour ne pas que les hommes et les femmes de l'époque puissent dans le ciel le prêtre, celui qui pouvait, au nom de cette énergie, amener l'énergie sur le plan planétaire, donc au nom de Dieu. Le prêtre, lui, avait donc la clé, mais les fidèles ne l'avaient pas la clé. Donc, les fidèles étaient baptisés par rapport à une religion particulière. Les fidèles de leur vivant nourrissaient cet égrégore, et le prêtre pouvait se servir de l'énergie de temps en temps pour ramener des choses. Mais le prêtre était manipulé par l'égrégore, le prêtre ne savait pas ce qu'il faisait lui non plus. Le problème, c'est que, donc, lorsque l'humain prie, est-ce que l'humain prie en disant, bon, qu'il faut premièrement connaître le nom de l'égrégore dans lequel est placée notre énergie. Et ça va de soi. Alors, cet égrégore porte un nom. C'est la clé. Pour entrer en contact avec cet égrégore, on doit avoir la clé. Est-ce que c'est mon père? Est-ce que c'est Yahvé? Est-ce que c'est Jéhovah? Est-ce que c'est Allah? Qu'est-ce que c'est? Lorsqu'on a le nom de cette clé, ben alors évidemment, on va y aller. Mon père, je te demande, faisons attention, si je ne nomme pas mon nom, je n'aurai rien. Mais je vais donner. Lorsque le Nazaréen enseigne à l'humain comment prier, évidemment, il ne donne pas la clé du nom, mais il finit en disant « Amen », ce qui veut dire « ainsi soit-il », donc « qu'il en soit ainsi ». C'est un ordre. Le Nazaréen n'a pas dit à l'homme « écrasez-vous complètement puis espérez que ça va venir », parce qu'il finissait par « Amen ». Maintenant, ceux qui ont les oreilles devraient comprendre « qu'il en soit ainsi », oui, parce qu'il est du domaine de l'homme de manipuler les forces du ciel. Les forces des cieux, c'est autre chose. Donc, l'homme qui prie, la femme qui prie, donne, mais ne reçoit jamais. Et pourtant, les religions qui partent, et j'ai déjà assisté à des guérisons au niveau du renouveau charismatisme, dans presque 15 ans, au niveau de d'autres religions, et c'est toujours, mon père, je te présente ici mon frère Daniel, le nom, qui souffre de telle maladie, etc., et puis blablabla, puis là, floum, il pouvait y arriver une guérison. Mais là, il y avait le nom, la clé, où ça devait aller. Pas juste la clé d'où ça devait partir. Tandis que ça, les clés ont tellement été bien cachées par les prêtres que les prêtres eux-mêmes les ont oubliés et qu'en fin de compte, on les a perdus. Bon. Maintenant, on va dire, oui, mais là, c'est intéressant, sacrableu, demain, on se garoche tout à l'oratoire puis on sait comment marcher. Le problème, c'est que les religions qui ont commencé à marcher et qui avaient des guérisons, certains vont dire, oui, mais il y avait des trucages. Oui, une vraie sur 10 trucages. Même le prêtre embarque parce que c'est 10 trucages, d'un coup, il y en a une qui vient pas truquer. Si ça essaye pareil, ça marche. Il vient se faire avoir lui aussi. Qu'est-ce qui arrive? C'est qu'après 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 guérisons, ça ne marche plus. Non, l'égrégore est vide. Dieu n'a plus de puissance. Ce Dieu n'a plus de puissance. Comme tout le monde a vu la guérison, tout le monde est emballé, tout le monde tête, mais personne donne, ben évidemment, ça ne marche plus. Alors, on doit dire à l'homme, c'est suffisant, bon, on met les raisons qu'on voudra, et puis là, on doit prier, on doit remercier, on doit en mettre. Pour qu'un jour, ça puisse servir à quelqu'un. Encore une fois, au nom de Dieu, c'est-à-dire que l'humain lui-même, c'est pas son égrégore, c'est l'égrégore collectif. Dieu, c'est tout le monde, hein? Tout le monde est un peu Dieu. Bon. Donc, c'est extrêmement important de comprendre le phénomène du nom. Il n'y a pas juste moi qui le sais. On l'a su dans l'Antiquité, on l'a oublié, parce que quand on cache, on oublie, parce que l'homme fonctionne mémoriellement, tandis que moi, je fonctionne instantanément, donc je peux pas oublier. Je me rappelle de rien. Pas oublier. Bon. Mémorise rien non plus. Ce qu'il faut donc comprendre, c'est que juste regarder de quelle façon la structure de vos noms a été conçue, ben, effectivement, il doit y avoir une raison pourquoi les hommes portent toutes Joseph au début de leur plan de baptême et les femmes Marie. Il y a une raison. Une personne dirait, oui, ben, moi, j'ai pas Joseph. Oui, d'accord. Mais ça n'empêche pas que la majorité l'ont. Okay? On parle d'un phénomène, là. Le nom de famille. Pour te faire taire un peu. Le nom de famille. Le nom de famille, c'est le contexte Joseph-Marie social. Assujettir l'humain à quelque chose. Je suis un roi. Mon nom est roi. Parce que les noms de famille ont commencé comme ça. Quand tu venais de la rivière qui pue, donc tu t'appelles Daniel de la rivière qui pue. Bon. Ou tu t'appelles des chênes d'abord. Tu viens d'une forêt des chênes. Lorsque l'homme... Je sais pas, ça vient pas de la rivière qui pue. C'est correct, excusez-moi. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que le nom de famille servait simplement à punir souvent et en même temps à paramétrer les classes sociales. Je suis un roi, mes enfants devront porter le nom de roi et je leur donnerai un nom, un prénom. Mais quel sera le nom important, roi? Alors toi, tu viens à un moment donné à la cour, tu demandes la main de ma fille. Ton nom, Daniel. Je vais avoir le pédigree, moi, là. Et dans l'Antiquité, on disait Daniel, fils de... Cheyoshua ben Joseph. Jésus, fils de Joseph. Bon, parfait. Là, j'avais une idée. Mais Jésus, fils de Joseph, fils de blabla, David. David étant un roi, on peut penser que le gars est correct. Mais sinon, bon, David, Jésus ne descend pas de David, d'ailleurs. Enfin, on l'a écrit dans une des évangiles, puis on le contredit des autres. Enfin, ce qu'il faut comprendre, donc, le nom de la famille servait simplement à dire, toi, tu es un petit quoi? Petit. OK? T'es un petit Kem, t'es un petit La Rivière, t'es un petit Tremblay. Petit. Très important. L'humain doit rester médiocre. Et cette idée, elle est venue justement de l'aristocratie au niveau social. C'est-à-dire que toi, à un moment donné, tu vas venir dire « Je suis Daniel Bolduc. » Bolduc, ça n'a jamais rien réussi. Alors, le nom Bolduc assujettit donc l'individu à la lignée familiale, donc au carcan génétique. Mais toi, si tu changes par mutation, parce que ta femme va venir. Mais étant donné que le contexte social est un contexte de mâle, la génétique de la femme n'est jamais... On n'en tient jamais compte, on ne tient compte que de la génétique du mâle. T'es un bolduc, mais toutes les femmes qui se sont greffées à la famille ont toutes changé la lignée génétique. Mais socialement, on s'en fout. Tu restes bolduc, de père en fils. Et ce qui est faux génétiquement. Donc, à un moment donné, le bolduc qui est là peut être un gars extraordinaire, tandis que l'arrière-grand-père était un fumiste, était un meurtrier, était n'importe quoi. Parce que les femmes se sont mêlées. Évidemment, c'est le même phénomène au niveau des femmes. Mais vu que le nom était, disons, relié au patriarcat, c'est-à-dire au mâle, faut comprendre l'idée. Alors, à un moment donné, tu viens te placer quelque part et ton nom, c'est quoi? Dans nos sociétés, votre nom, c'est quoi? Bolduc Daniel. Parfait. Oui, le nom familial. Tu sais, on se fout de toi. Toi, comme individu, là, tu sais, pour l'instant, pousse pas. Bon. Tu vas à l'hôpital. Évidemment, le nom famille est important parce que là, effectivement, on fouille dans la génétique. Oui, là, il y a une raison intelligente. Dans le reste, non, c'est le prénom qui prime, pas le nom de famille. Mais on veut avoir le nom de famille parce que de cette façon, on garde la collectivisation des masses. Lorsque l'individu devient individuel, si on parle de l'homme ancien qui transite vers l'homme nouveau, ben évidemment, son prénom est le nom. Le nom de famille n'existera plus. Tu auras, à un moment donné, tu viens me voir et tu vas me dire, bon, je suis Daniel, j'aimerais me marier avec ta fille. Je vais te dire, parfait, Daniel, oui, OK, de quelle lignée es-tu? Ben, si t'es de la même lignée que moi, tu ne marieras pas avec elle parce qu'on risque d'avoir des problèmes avec les enfants que ça va donner. Donc, il y a une condition intelligente à vérifier les mélanges génétiques pour ne pas avoir des mélanges co-sanguins. Le nom de famille a servi à ça. Mais le nom important n'est pas le nom de famille. Alors, dans les basses classes sociales, on parle comment? On va dire, hey, Bolduc, viens ici. Hey, Kem, tu rentres hier. Bon, ça, c'est classe sociale. Les gens sont collectifs. Ils n'ont pas de conscience individuelle. Plus l'individu a une conscience différente ou individuelle, plus le nom de famille, à un moment donné, tu sais, Kem, c'est Daniel. Mais on a du monde qui vont, ils sont pas capables de dire Daniel. Tout ou Kim. Ça pogne, ça marche. C'est, ils se le retiennent. Le prénom, bon, ça dépend des classes, des couches, de conscientisation des individus. Extrêmement important de marcher avec nos prénoms. Et maintenant, extrêmement important de voir si le prénom nous va. Le prénom, donc le nom, hein, on va appeler ça le nom. C'est le nom. C'est le, ce par quoi on vous nomme. Il est constitué, qu'est-ce que c'est que le prénom? Le prénom, moi, j'observe un individu. Et puis, je vais goûter l'individu. Et puis, je vais nommer l'individu. Donc, ce que je vais percevoir, je vais le transmettre en parole. Quand je disais dernièrement que quand un enfant vient au monde, Baptiste lui donne, trouve pas un nom avant qu'il naisse, attend au moins d'y voir la face. C'est exactement ce que ça veut dire. Vibre-le. Oui, mais là, ça fait 2 semaines, je le regarde, tu n'as pas de nom. C'est ça. Attends. Il n'y a pas besoin de nom. Il n'y a pas de conscience individuelle, il n'y a pas d'individualité. Tu sais, la petite, le petit. Ben, c'est pas le stade donné, non. Bon, pour l'instant, attends, à un moment donné, il y en aura un. Sauf que le problème, c'est que l'être humain est habitué à baptiser en fonction des vieux noms. Gabriel, Daniel, Michel, enfin, tous les noms que vous avez, pour la majorité, sont des noms qui datent du passé. Donc, automatiquement, ça vous assujettit à, premièrement, tous ceux qui portent le même nom que vous, et deuxièmement, à tous ceux qui l'ont porté. C'est sûr que vu qu'il y a des millions d'humains, à un moment donné, qui l'ont porté, ben, en fin de compte, c'est assujetti à quoi? Ben, pas grand-chose. Une chose certaine, c'est que celui qui porte un nom qui a déjà été porté n'est pas lui. Il finit par s'habituer à ce qu'il est. Alors, il va dire, c'est moi. Mais ce n'est pas ce qu'il aurait été s'il aurait eu sa propre vibration. Si on ne conçoit pas l'importance du nom pour soi, ben observez quand même de quelle façon la politique, la sociologie, la théologie a mis d'emphase et d'importance sur les noms. La langue parlée est l'expression vibratoire d'une perception. La nomie, le nom, est la même chose, l'expression vibratoire d'une perception. On vous perçoit et on vous nomme. Mais le problème, c'est que si on vous nomme mal, on vous oblige à un moment donné à prendre la forme vibratoire du nom pour lequel, ou le nom du nom qu'on vous a donné, ou qu'on vous donne. Et ce qui, à un moment donné, amène des perturbations psychologiques ou énergétiques chez certaines gens. Lorsque dans un milieu de travail, on donne un surnom, on fait souvent ça aux enfants et on ne devrait jamais. Lorsqu'on donne un surnom, souvent, il réagit mal. C'est normal, on lui dit, tu es Daniel Bolduc, va t'appeler Micheline Gervais, tu connais? Mais là, c'est pas moi. Oui, mais c'est pas grave. Ok, Dan, hein? Dan, salut Dan. Satan, Dan. Satan, hein? Satan à Londres. Oui, bon. C'est original. Tout le temps, j'étais jeune, on m'appelait Dan, justement. Mais ce nom-là me vibrait. À un moment donné, d'instinct, mes amis m'ont appelé Daniel. Ça me vibrait. Et à un moment donné, peut-être que je changerai de nom. Le nom. Est-ce qu'il a de l'importance? Ben, on ne doit pas baptiser un enfant qui s'appelle La Voix. On ne doit pas l'appeler Claire. Ça fait Claire La Voix. Ça a l'air fou. Claire Le Chemin. J'ai connu un gars qui s'appelait Idefonce. C'est un nom qui existe au niveau du Québec. Son nom de famille était La Porte. Idefonce La Porte. Bon, c'était extrêmement... c'est sérieux. C'était bien malvenu. Bon. J'ai rencontré quelqu'un qui s'appelait Marmalade. C'était un Haïtien. Mais il avait aussi le cerveau en marmalade. Bon. Le nom ne peut pas aller. Est-ce qu'effectivement le nom peut aller jusqu'à défaire tout le côté énergétique d'un individu naissant? Bon. Si on a un nom qui égrégorement est extrêmement puissant et qui n'a pas été altéré, c'est évident qu'il va tout transformer un individu. Prenons l'exemple Richard Blast. Prenons l'exemple d'un criminel de ceci, de cela. Puis à un moment donné, il y a un enfant qui naît, et on le baptise Richard, son famille c'est Blast. À l'époque où il a 5-6 ans, les journaux font rien qu'en parler, puis là il arrive un paquet de cossins. Là, il s'en va à l'école, c'est Richard Blast. Ben, veut pas, à un moment donné, il va finir par être altéré par cet égrégore qui, maintenant, est tellement énergisé par les gens, mais pas un égrégore du passé, celui-là. Ben, veut pas, il y aura des problèmes. Prenons l'exemple de quelqu'un qui s'appelle Marthe, puis son nom de famille, c'est Sur le Lac. Bon. Marthe Sur le Lac. Y'a rien là. Mais la journée que les statues sointent à Sainte-Marthe Sur le Lac. Ben, la petite fille Marthe Sur le Lac. Tout fait qu'elle transpire. Qu'est-ce que le monde va y dire? Ça va altérer comment sa condition de vie? À jamais. Bon. Sauf si c'est un boxeur. Bon. Encore là. Ça, on va dire, c'est des exemples directs au niveau de l'infrastructure psychologique, oui. Et c'est pourquoi on peut en rire, parce qu'on peut voir immédiatement ce qui se passe. Le problème, c'est les autres, non. C'est qu'on ne voit pas ce qui arrive. On ne voit pas ce qui se passe. Et notre nom, ben, c'est évident qu'on finit par s'y faire. Vous savez, vous avez un gros bouton sur le nez. Hein? Ou il y en a qui ont un grand nez. Hein? Oh. Oui. Alors, à un moment donné, ils peuvent se dire, « Sac, j'ai un grand nez. J'aimerais bien pour ne pas l'avoir. » Mais après 40 ans de grand nez, toi, tu vois le grand nez. Le nom, c'est pareil. Le nom peut ne pas être votre résonance vibratoire, donc ça peut ne pas être votre nom. Mais après plusieurs années, c'est notre nom. On pense. Mais est-ce qu'il altère encore notre condition? Bon. Il y a des personnes qui prononcent notre nom puis ils nous font... Enfin, on va aux toilettes. Bon. Il y a des personnes qui prononcent notre nom puis on dirait qu'ils nous aiment. Ou en, automatiquement, quand ils le prononcent, on aime jaser avec eux. Il y a des vendeurs qui vont connaître votre nom puis qui vont avoir une voix suffisamment ajustée pour le prononcer juste de façon à ramasser vos cordes vibratoires. Bon, vous accrochez. Moi, les vendeurs, quand ils me rencontrent, ils m'appellent pas Kem, ils m'appellent Daniel. Hein? Ben, ceux qui me connaissent, ils me rencontrent pas, ils ont peur de moi. Mais ceux qui me connaissent pas, ils me rencontrent, ils m'appellent, ils disent, ils veulent voir mon nom, Daniel. Oh, oui, mais Daniel, ce serait bon pour toi, ça. Je n'ai pas besoin, ce serait pas bon pour moi. Bon. Là, moi, je connais son nom, puis moi aussi, je l'appelle par son nom. Là, à un moment donné, j'ai expliqué, tiens, Richard, j'ai pas besoin de ça, Richard. Ben, t'expliquer une chose, Richard. Là, c'est moi qui commence à parler. Et toi, tu vas y vendre ta salade. Avec la voix pour le ramasser. Non, moi, je vends pas. Mais, en tout cas, il s'en va. Parce que quand c'est brillant, j'ai pas besoin de vendre, j'achète. Quand j'achète pas, j'ai pas besoin. Le gars, il va, il sait. Bon. Le nom, très, très, très, très important. Et quand on parle d'une transition vers l'homme nouveau, c'est évident que l'homme devra changer de nom de temps en temps. On va dire, oui, mais socialement, ça crée quoi? Regardez bien ceci. Le nom que vous écrivez, est-ce qu'il a la même importance que le nom que vous prononcez? C'est quelque chose d'intéressant. Non. N'a pas la même importance. Jusqu'à date, tout ce qu'on a fait au niveau de la numérologie, de la guématria, de l'étude des noms, de ces choses-là, on a toujours parlé que du nom. Le nom est l'expression vibratoire d'une chose, c'est oral, parce qu'on a inventé l'écriture après l'oral. L'écriture transcrit l'oral, mais l'écriture n'a pas la puissance altérante du nom prononcé. Alors toi, Daniel, ça te tente, tu veux t'appeler... Machin chouette, parfait. Mais tu signes toujours Daniel. T'as toujours tes cartes Daniel. Oui, mais à un moment donné, tu sais, je donne ma carte à quelqu'un, et je dis je m'appelle Machin chouette, regarde sa carte, et c'est Daniel. On mourrait pas, c'est pas parce qu'une fois ou deux, le gars d'hôtel ou le gars du garage, ça fait rien là. C'est pas une philosophie comme le végétarisme à un moment donné où ce qu'on est supposé mourir, le moindrement qu'on voit de la viande. Bon, si on prononce ton nom une fois comme c'est bon, ben ça change rien, c'est pas assez combien de Daniel vous le faites prononcer. Sauf que ça altère, c'est tout. À un moment donné, tu as une consonance vibratoire qui fait que ça serait tel nom. Ben, organise-toi pour marcher sur ce nom-là. Au niveau de l'écriture puis tout ça, c'est pas important pour l'instant. De toute façon, ça va coûter. La société n'est pas faite pour accepter ce genre de changement. Non, on peut, mais ça coûte cher. Bon, ça coûte pas mal d'énergie. Les prénoms encore. Si un prénom qui nous convient le mieux dans toute la gang de prénoms qu'on a eu là au tu baptême, on prend un, puis ça dérange personne. Quand tu mets est rendu à un point où il doit se créer un nom. Essayez de savoir comment vous appelleriez un nom neuf. Manquant d'intuition et ne vous connaissant qu'à partir de tout ce que vous pensez que vous êtes et de tout ce qu'on dit de vous autres et de toute la façon dont on vous force à vous habiller, de tout ce qu'on vous force à manger, de tout ce qu'on pense de vous, ben vous n'aurez jamais l'intuition vibratoire pour arriver à savoir qui vous êtes. Mais à un moment donné, certains vont dire « Oui, j'ai rêvé à un nom, mais ça dans la poubelle, même dans la toilette qui tire la chaîne. » Parce qu'un nom ramassé dans un rêve, c'est un nom qui vient des phénomènes astro. Hein? L'homme fait un voyage astral pendant un rêve. Qui s'en souvienne, qui s'en rappelle pas, ça n'a rien à voir. Sauf que là, si quelque chose vient des rêves, et de toute façon, on fait une conférence sur les rêves d'ici peu, et lorsqu'un phénomène comme un nom vient du domaine de la mémoire, donc d'un rêve, non. Si réveillé, vous n'êtes pas capable de vous observer suffisamment pour avoir un nom, c'est pas quand vous dormez puis que vous oubliez que le nom va apparaître. Bon, il y aura des choses au niveau du rêve qui peuvent être utiles à l'homme. La femme. Mais pas comme ça. Certains vont dire à un moment donné, ben, je sais pas, je regardais la télévision, d'un coup, pouf, il y a un nom qui est apparu. C'est pas comme ça qu'on doit choisir le nom. On parle des noms neufs. Étant donné que l'humain ne sait pas vibratoirement qui il est, hein, il ne sait même pas s'il est en santé ou s'il est malade. Il doit attendre qu'il y ait des bébés à un moment donné qui sortent, lui, il sait pas. Bon, il sait pas s'il vieillit, il sait pas si, à un moment donné, l'homme, l'être humain, sait même plus s'il est fatigué. Ou s'il est en forme. Il se lève en pleine forme physique, mais sa psychologie voit qu'il neige, puis il se pense pas en forme. Il sait plus. Alors, se donner un nom, ça devient un peu compliqué. Les enfants se donnent des noms. Et oui! Lorsqu'un enfant joue, quand un enfant a vu Superman, il joue à Superman, puis il s'appelle Superman. OK, c'est la même idée, mais l'enfant, intuitivement, sait. Lui pourrait se baptiser, mais il ne faut pas qu'on attende trop longtemps, évidemment, mais il faut au moins laisser le temps de parler, parce que sinon, ça va être un nom pas mal guttural. C'est une question. Enfin. Au fait, tu parlais tout à l'heure de l'apparition des différents langages. Mm-hmm. C'est apparu, il paraît, dans la Bible. En tout cas, on dit que c'était apparu avec la tour de Babel. Babel était un éléphant de l'époque. C'était un éléphant. Oui. Mais c'est quoi ce phénomène de Babel? Bon, Babel, la création des langues. Lorsque l'homme est apparu sous le contexte de la planète, l'homme n'avait pas le choix. On parle de grandes tours pour rejoindre Dieu. Mais il faut bien comprendre que Dieu, c'est le contexte du ciel. Et toute la Bible, lorsqu'elle parle du ciel et de Dieu, elle parle du contexte du monde de la mort et des mémoires. Dieu, dans la Bible, on peut constater qu'il évolue au même rythme que l'humain. On peut constater que le Dieu d'aujourd'hui n'est pas le Dieu de colère, de vengeance et de restriction du Dieu de l'Antiquité. On peut constater une panoplie de choses. Il y a un paquet de dieux qui étaient extrêmement puissants, qui dirigeaient des peuples. Ces dieux-là sont morts lorsque les peuples ont changé de dieu, parce qu'il y a une énergie en plus, cet égrégore divin, donc ce dieu finit par s'épuiser lui-même, il est mort. Et on a donc ce phénomène au niveau de l'évolution. La tour de Babel, c'est simplement une construction au niveau oral qui permettait à l'humain d'essayer de pouvoir transcrire toutes les connotations de perception intuitive du monde de la mort. Lorsque l'être humain, lorsque plusieurs humains, à un moment donné, ont commencé par intuition à être liés au monde de la mort, tout en restant vivant, hein, parce que dans l'Antiquité, plusieurs ont pu le faire, Moïse et Abraham, il y en a une panoplie qui ont eu justement ce contact. Bon, lorsque l'être humain, à cette époque, et on parle quand même d'une époque qui est même pré-atlantéenne, lorsque l'être humain a essayé de traduire par le mot. Parce que lorsque l'être humain a commencé à développer son centre laryngé, son cerveau, ça c'est dans les mûries, il est devenu fou de la parole. C'est pas depuis aujourd'hui que le monde aime parler, vous savez. Ça date, le téléphone n'existait pas, mais on parlait. Bon. Alors, lorsque l'homme a commencé à parler, il avait donc la faculté de pouvoir dire une chose, de la mémoriser comme telle, et de réduire son potentiel de mémoire, dont la quantité nécessaire en espace mémoriel, il pouvait le réduire pour contenir la même chose. Alors, s'il regardait un paysage, c'était immense. Mais il avait juste à dire, j'ai vu une belle montagne, c'était réglé. Et il pouvait même maintenant comparer les montagnes, il pouvait même spéculer les montagnes, déduire les montagnes, comparer les choses. Lorsque l'homme a commencé à découvrir cela, son orgueil, c'est-à-dire que la force qu'il a sentie dans le fait qu'il pouvait englober et posséder chez lui par le mot tout l'univers. Alors l'homme a commencé à nommer. Il a donc bâti la langue. Lorsqu'il s'est attaché au plan de Dieu, donc, au plan céleste. Le problème, c'est que chaque strate du ciel est un plan vibratoire différent. Et selon la vibration de l'âme de chacun des humains, il ira se connecter à des strates différentes. Donc, ce qu'il va amener au niveau du langage n'aura pas nécessairement la même expression vibratoire que pour un homme que pour un autre. Lorsque l'être humain a commencé à amener une panoplie de choses, il a commencé à amener des mots. Des mots disant des choses. Il leur a dit, c'est Yahvé. L'autre a dit non, c'est Jéhovah. L'autre a dit non, c'est autre chose. Ils ont amené d'autres phénomènes. Il y a la mort. Non, il y a ceci. Non, il y a cela. Lentement, tous ces mots, tous ces concepts ont fini par habiter l'humain qui les nommait. Évidemment, dans la panoplie d'humains qu'on avait à l'époque, plusieurs avaient une vibration similaire, donc aller chercher les mêmes paliers. Pour essayer de connaître Dieu, donc tous les paliers du ciel pour les transmettre au niveau oral, ben alors l'homme s'est gouré complètement. Pour la simple raison que selon l'état vibratoire de chacun des humains ou chacun des blocs d'humains, on avait une lecture différente du bloc du ciel et automatiquement on amenait des mots qui ne pouvaient plus être en résonance d'un par rapport à l'autre. On avait même besoin d'articuler une vibration différente pour pouvoir exprimer convenablement une vision d'un des paliers du ciel. Alors automatiquement, l'humain a amené sur le plan planétaire toute une panoplie de mots nouveaux et des mots qui ne pouvaient pas être en résonance l'un par rapport à l'autre. Alors si tu prends le latin, si tu prends l'hébreu, si tu prends par exemple l'égyptien, disons, antique de l'époque, ce sont des langues, et d'ailleurs, il y a eu d'autres langues, mais ce sont des langues qui définissent les mêmes choses à partir d'une vibration céleste différente. Donc, automatiquement, je donne un exemple, pájaro, ça veut dire oiseau. Mais c'est plus facile pour une vibration cérébrale, pour un humain normal, de dire oiseau que de dire pájaro. Alors, tu vas le trouver écrire dans un livre, P-A-J-A-R-O, pájaro. Le J n'existe pas. Ce serait pájaro, presque pacaro. Bon, en tout cas, bon, faut pas, hein. Lorsque l'humain arrive, Pájaro, l'autre, oiseau. Là, essayez de concilier les deux. J'ai vu un oiseau, pájaro, qui était back sur le... À un moment donné, tu peux plus. Pourquoi? Parce que t'es toujours en train d'ajuster ton centre laryngé à une consonance vibratoire, puis là, je mêle pas le chinois puis le russe. Alors, automatiquement, lentement, l'humain n'a pas pu continuer la conversation entre les différents paliers de ceux qui avaient justement essayé de traduire par la parole le monde de la mort. Alors, automatiquement, ne pouvant pas, et étant convaincu, parce que l'orgueil est là, que eux avaient raison, que les autres étaient des petits clés, ben, évidemment, ils sont ramassés en troupeau. Puis là, chacun s'est séparé, et on a évidemment eu, par la suite, l'évolution des langues. Comme l'enfant apprend la langue des parents, même si elle contient 300 mots, il apprend en même temps la vibration par laquelle il devra exprimer sa perception. Donc, s'il apprend l'hébreu, s'il invente un nouveau mot, il sera hébreu, de par sa résonance vibratoire. L'autre qui est égyptien, s'il invente un nouveau mot, il sera égyptien. Tu sembles vouloir exprimer que... Les différentes langues représentent différents niveaux de puissance. Non. Les différentes langues sont nées à partir d'une perception de différents niveaux du monde de la mort ou d'une perception de différents niveaux, disons, de l'endroit où restait Dieu à l'époque, le ciel. Mais ce n'est pas une... on ne peut pas dire, par exemple, que le français a plus de puissance que telle autre langue. Par contre, il y a effectivement eu des langues qui ont eu plus de puissance que d'autres au niveau du verbe. L'hébreu, entre autres, est la langue, une des langues extrêmement puissantes. Le latin est l'une des langues les plus puissantes que la Terre a portées. Le français québécois est l'une des langues qui est en train de se renforcer énormément lorsqu'elle est bien articulée. Hein, on ne parle pas du français de Paris, là, parce qu'à Paris, c'est le français, tout le reste, c'est un dialecte. Bon, on parle donc de français québécois, et c'est pourquoi, d'ailleurs, l'évolution de la conscience nouvelle naît surtout au Québec, et elle sera diffusée par la suite en français et ajustée en anglais aussi, dans d'autres langues. C'est ça, qu'est-ce qui fait la puissance de la langue? Bon, prenons l'exemple du latin. Vous savez que, pendant longtemps, les messes étaient en latin. Le latin, d'ailleurs, tous les rituels magiques, parce que c'est de la magie blanche, la messe, une messe, c'est de la magie blanche. Tu essaies de recevoir les béatitudes de divinité. Alors, la sorcellerie, c'est le même phénomène, mais là, tu essaies de recevoir de l'aide de Satan ou des forces diaboliques. Lorsque la messe était en latin, on avait donc une formule magique, c'est-à-dire qu'on émettait, il fallait avoir une voix juste. C'est d'ailleurs pourquoi les prêtres, vous savez, quand un prêtre vous parle, vous savez que c'est un prêtre. Ils parlent tous pareil. Ils apprennent à parler. Ils apprennent à avoir une voix tout à fait juste par rapport à la langue latine, de façon à ce que lorsqu'ils prononcent cette langue, la voix devient une vibration chantante qui oblige une manipulation au niveau des forces du ciel. Donc, ça devient de la magie blanche. Lorsqu'on a traduit les messes en français, ben évidemment, toute l'Église s'en va pour la simple raison qu'on n'a plus ce rituel magique. Ce n'est pas ce que le mot voulait dire, mais au niveau du latin, c'est beaucoup plus la façon dont il est prononcé. Le nom a le même phénomène. Lorsqu'on prononce mal le nom d'un individu, on entache ce qu'il est. On peut parler des noms doubles, par exemple, qui foquent souvent l'individu. Parce que l'individu, tout le long de sa croissance, a une personnalité double au niveau des grégores du nom qui devrait, à un moment donné, se fusionner. Et souvent, ça ne se fait pas. Les langues, donc, ce ne sont pas... On a des langues plus puissantes que d'autres, on a des langues un peu moins puissantes que d'autres, mais la langue, même si elle est moins puissante, cela ne veut pas dire que l'individu n'a pas de puissance. Il faut faire attention juste à ce niveau-là. Le peuple a la même puissance. D'accord. Elle dépend du véhicule qu'il va employer. Oui. Au niveau de la prononciation, effectivement, on doit y attacher une grande importance à la qualité de la prononciation. Oui. Lorsque moi, je parle, par exemple, à des individus, lorsque j'ai une entrevue à Radio-Canada, par exemple. Alors, je parle Radio-Canada. Lorsque j'ai une entrevue dans d'autres régions, comme lorsque je vais à Chicoutimi, ils sont tous convaincus que je suis né à Chicoutimi. Bon. Lorsque je vais dans la région de Québec, on est convaincu que je suis Québec, que je suis un habitant de Québec. Lorsque je suis à Montréal, ça va. Lorsqu'on s'adresse, à un moment donné, on va employer des mots tout à fait typiques de la conscience du Québec, des mots qui sont intéressants, comme des cossins, des choses comme ça. Bon, des trucs. Ça marche. Mais plus cela va, comme lorsque les personnes viennent pour la première fois ou la deuxième fois m'entendre, il y a des mots qui sont neufs, des mots qui sont... Tu sais, un jour, j'ai inventé le mot confituralisé parce que j'essayais de traduire le mot de jamais. Bon. Mais ça fonctionne, ça, c'est tout à fait français, confituralisé, c'est pas hébreu. Bon, alors, lorsque les personnes viennent pour une vue la première fois ou la deuxième, ça paraît compliqué, mais justement, les mots, le langage doit être de plus en plus précis pour pouvoir de plus en plus cerner les choses. C'est un véhicule. C'est comme lorsque l'argent, tu sais plus si c'est un 2 ou un 5, ben, faut réimprimer. On réimprime la langue. Alors, on va faire une petite pause. Vous avez des questions sur le sujet ou sur n'importe quoi? Je vais les poser. Merci beaucoup, Daniel. Je vous invite donc à vous procurer votre billet pour la semaine prochaine.